Un état des lieux, jour 2015, pige, vie de merde qui n'a pas su s'enfuir. Une vie à l'écart, un jeune sans drôle moral. Quand le bonheur démarre, il est déjà trop tard. D'un crèche à la primaire, de la primaire au collège, entre modèle et commère, noyé dans trop de merde. Le rap, ma seule issue, qui arrivait à l'horizon. Et dès qu'on croit s'envoler, on se crache aussitôt. De l'hiver à l'automne, j'ai cette peur de vivre. Une vie monotone où j'arrive pas à fleurir. Pas trop de mal à l'école, m'occupe d'en réfléchir. Mon espace de vie ne fait que rétrécir. Tout ce temps pour se rendre compte que j'ai pas de but. Je me morfonds entre toutes ces insultes. Un état des lieux, du haut de mes 15 pieds. J'ai une balle entre les yeux, et puis tant pis. Nerveux, du coup c'était oblige. La vie m'avait creux depuis mes prométis. Visé depuis petit peu, ma colère moi je vais t'afflige. À la mort de mon père, ouais tout s'est décidé. Ma vie sans repère, moi je vais t'as décimé. Planqué dans mon repère, mon rap moi j'ai bien travaillé. Ouais pour mes soeurs, mes frères dont on m'a séparé. La vie m'a fracassé mais j'ai la force de me relever. Un défi relevé pour ma famille, je m'en sortirai. J'avance entier jour après jour pour m'évader. Comme un putain de sorcier, ouais ma potion est préparée. Un état des lieux pour ne pas oublier que je suis loin de Richelieu et plus proche des opprimés. J'ai beau faire de mon mieux, moi la monnaie veut pas rentrer, alors je ferme les yeux, clique pas, je vais appuyer.